Chapitre 5e. Le landau découvert montait lentement la grande allée. Geneviève Ribert, assise à côté d'André, en face de Raymonde, laissait doucement aller sa tête brune, ennuagée de champagne, au bercement de la voiture en marche. Elle éprouvait une sensation délicieuse, rêvant, songeant, tandis que Raymonde bavardait, faisait lestement un salon parlé, qu'André souriait aux gamineries de sa cousine et que Miss Maud semblait loin, bien loin de Paris, avec des visions anglaises, des ombres de passé dans ses yeux bizarres. La femme de Victor Ribert se sentait dans son élément et dans son cadre en longeant ses Champs-Élysées, qui, par tous les temps, évoque l'idée d'une triomphale avenue du High Life, l'arc de l'étoile là-bas, s'ouvrant comme pour fêter l'élégance, la femme, la parisienne, le capiteux de la vie vivante, autant que la gloire et les batailles d'antan. Geneviève se retrouvait là, dans l'existence même qu'elle avait rêvée, voulue, qu'elle voulait encore, et pour laquelle elle était faite. Créature de luxe et de sourire, parisienne avec des alanguissements de créole, née pour humer la vie comme par un narguilé, pour la croquer par miettes, comme des pastilles, et non pour cette existence tourmentée, inquiète, bourgeoisement ennuyée que par deux fois la destinée lui avait faite. Oui, par deux fois, car avant de connaître, chez son mari, les soucis de la bataille quotidienne, elle avait, chez son père, rencontré l'âpre lutte pour l'honneur d'une maison. Elle se souvenait du vaste logis de la rue du Sentier, dans un vieil hôtel du XVIIIe siècle, où s'empilaient les tissus, les pièces d'étoffe de Robin, Gerbert et compagnie. Des commis travaillaient tout le jour dans ces magasins, où des trumeaux de Fragonard riaient encore au-dessus des portes, comme si les marquises n'étaient pas mortes, et faites par la mort les vendanges des paniers. Dans la grande maison de quelque ancien fermier général, ou d'une impure célèbre d'autrefois, Geneviève, enfant, avait passé des journées longues, longues et tristes. Et jeune fille, elle avait vécu là, dans le mouvement et le bruit de la maison de tissu, se consolant de sa solitude, sa mère était morte, en se disant que bientôt elle sortirait de là pour prendre sa part de la vie de Paris, respirer l'air, voir tout ce qu'il y avait d'inconnu pour elle dans cette ville qui se réduisait à de larges et hautes pièces ennuyeuses et grises, seulement égayées par les fêtes champêtres des dessus de portes où des bergers enrubannés jouaient des airs à des paysannes aux cheveux poudrés. C'était, pour Geneviève, la seule poésie de sa vie, le seul sourire de la vieille maison, ses personnages d'un autre temps, roses encore dans un paysage au lointain bleu. Elle les regardait. Elle rêvait de s'échapper dans ses prairies vertes, dans ses gais horizons. Elle traduisait les Fragonards à sa manière. La Citerre du XVIIIe siècle s'appelait Trouville ou Dieppe ou Dinard. Elle voulait aller aux eaux. Elle voulait se montrer. Elle se savait jolie. À quoi son père pensait-il donc? Et ne la voyait-il pas grandir avec des éclairs dans ses beaux yeux? Que faisait-il dans le vaste hôtel empli de commis? Ce que faisait M. Roblin? Il travaillait, âprement, rudement, toujours comme manœuvre, comme Victor Ribert maintenant. Il était silencieux, inquiet, ne répondait presque jamais aux questions de sa fille, et maintenant encore, Geneviève avait, devant le regard de la figure pâlie, le front chauve et creusé aux tempes de l'honnête homme qui dormait au Père-Lachaise. Un soir d'hiver, elle se le rappelait toujours, il y avait de la neige sur les toits, dans la cour, sur les bâches où l'on remisait les caisses, et les commis avaient allumé de bonne heure les lampes parce que la nuit venait très vite. Geneviève lisait dans sa chambre lorsque la porte s'ouvrit et son père entra plus blanc que cette neige qui tombait sans bruit. Il dit simplement à sa fille « Embrasse-moi, Geneviève. » Elle le regarda, devina quelque grand malheur et lui sauta au cou. Il appuya alors sa tête sur l'épaule de la jeune fille. Elle sentait contre son cou ce front qui brûlait. Elle n'osait pas demander ce qu'il y avait. Il lui semblait que cette neige blanche, c'était un linceul pour tous deux. C'était la ruine qui venait. À bout d'effort, la maison Roblin, Gerbert et compagnie déposait son bilan. Geneviève songea alors seulement que c'était la fin du mois et la fin de l'an. Quelles étrennes! Roblin et ses associés allaient maintenant être en faillite. comme elle le regrettait, ce vieux logis de la rue du Sentier avec ses panneaux gris et ses trumeaux aux perspectives bleues. Et en effet, une vie de privation commençait. On prenait un petit appartement, et Roblin, habitué à commander, allait obéir chez les autres. Il respirait d'ailleurs, comme débarrassé d'un poids. Depuis des années et des années, la maison traînait des échéances pareilles à des boulets. C'était chaque jour des inquiétudes et des transes. Maintenant, du moins, cette ruine absolue, cet écroulement, permettait à Roblin de dormir. Sommeil hébété, sans rêve, d'un homme qui n'a plus de but en ce monde, plus d'espoir. Et encore une tristesse, sa fille, qu'allait devenir Geneviève. Malgré ses appétits de plaisir, Mademoiselle Roblin n'était jamais allée beaucoup dans le monde. Le négociant, absorbé par ses échéances, n'avait pas de temps à perdre dans les bals, et s'il veillait la nuit, c'était devant l'inquiétante liste des traites à payer, des ressources à trouver. Pourtant, elle avait rencontré çà et là, dans quelques réunions amies, Victor Ribert, veuf depuis longtemps, avec une enfant, la petite Andrée, qui avait 13 ans alors, et le vieux Roblin, déjà malade, atteint au cœur, eut pour dernière joie, pour seule consolation, de voir le négociant lui venir demander la main de Geneviève, qu'il épousait sans dot, par amour. Pourquoi la jeune femme se rappelait-elle tout ce passé, tandis que sa tête brune, renversée, regardait au loin, confusément, dans une brume bleue l'arc de triomphe là-bas, au bout de la montée, entre deux files d'arbres empanachés de blanc. Oui, c'était par amour que Ribert l'avait épousée. Il la trouvait charmante. Il avait d'elle son agrément avant de faire une démarche auprès de Roblin, et troublé, touché, de la parole émue de cet homme, qui lui jurait de lui consacrer toute sa vie, elle se sentait entraînée vers lui par une affection faite de reconnaissance et de respect. Ah, comme elle lui montrerait qu'il avait raison de l'aimer. Au moment où elle s'arrêtait effarée devant son avenir comme devant un gouffre, à l'heure où le pauvre homme déchu, le père, se répétait dans l'écrasement de sa défaite, « Oui, moi, je n'ai pas longtemps à souffrir de ma pauvreté, mais Geneviève, que va-t-elle devenir ?» Ribert venait, sauvait la jeune fille, la faisait riche, et lui demandait pour toute récompense de l'aimer un peu, lui, et d'aimer son enfant. Elle avait une dot, Geneviève, l'affection qu'elle devait porter à André qui grandissait. Et Roblin, le négociant ruiné, était mort heureux. Sa fille ne souffrirait pas des privations redoutées, de la misère entrevue. Elle était la femme d'un honnête homme et d'un homme riche. La maison Ribert était alors située au rez-de-chaussée d'un hôtel de la cour des petites écuries, coin perdu de province parisienne, où Geneviève s'ennuyait, ayant en face de ses fenêtres, de l'autre côté de la cité, une boutique de charron et un bureau de nourrice. C'était beaucoup pour sa femme, un peu pour moderniser sa maison, que Ribert avait transporté ailleurs ses bureaux. Mais dès l'année qui avait suivi son mariage, vers 1877, Geneviève Ribert s'était aperçue, avec un effroi qui la glaçait, de l'étrange similitude des préoccupations de son mari avec celles de son père. Même visage altéré, même rêveries inquiètes, même tristesse sans cause, ou plutôt cause d'assombrissement caché avec soin, dissimulé comme des fautes. Le souci du lendemain, la médiocrité dorée, le luxe factice, la richesse d'apparence, le sourire de surface, tout ce qui est le lot des malchanceux comme c'est le vice de la bohème bourgeoise, ce qu'elle avait haï, ce qu'elle avait redouté, elle le retrouvait là, dans le logis de cet honnête homme au labeur stérile, dont elle portait le nom, et qu'elle aimait, et qu'elle estimait, et qu'il adorait elle, et qui eût donné son sang, goutte à goutte, pour lui acheter du bonheur. Deux fois dans sa vie, se heurter à des fatalités pareilles. Elle trouvait parfois que Ribert, dont les cheveux blonds tombaient, ressemblait à son père. Par les soirs d'hiver, lorsqu'en bas, dans le bureau, on allumait les becs de gaz, il lui semblait que dans la cour de la maison de la rue de Châteaudun allait tomber lentement la même neige qui, de son suaire, couvrait les toits de la rue du Sentier, ce soir de décembre qu'elle n'oublierait jamais. Elle en avait encore le frisson. Le frisson dans ce landau où elle s'étendait comme alanguie en un hamac, le frisson dans cette avenue printanière. N'était-ce pas de la neige blanche qui poudrait là les marronniers? Elle secoua vite l'impression de tristesse qui la saisissait et dit tout haut à Raymond, étonné. « Voyons, voyons, le passé, c'est le passé, j'espère. » Et elle essaya de causer. Elle regardait l'avenue, encore à demi-déserte à cette heure, mais où déjà des coupés furtifs passaient. Raymonde, fort peu touchée par le paysage, elle en avait par-dessus les yeux du paysage depuis le salon, se laissait cependant aller à trouver jolis les dessous d'allées, les touffes de fleurs trouant çà et là la verdure. Mais, parisienne jusqu'au sang, les impressions les plus justes, les sensations les plus simples, ne lui venaient qu'à travers les souvenirs de la mode, comme à travers un tamis. Les Champs-Élysées n'étaient pas les Champs-Élysées. C'était une grande aquarelle, comme elle en avait vu chez les aquarellistes. Elle eut volontiers, dans son goût raffiné pour le factice et pour l'art, dit de toute cette vie qui s'agitait là autour d'elle, « C'est gentiment peint. » Andrée, silencieuse, rêvait sans tristesse et Miss Barker gardait dans les yeux son éternel air de contemplation vague. Geneviève et Raymonde étaient seuls, évidemment, à ce plaisir de humer l'air et de retrouver à leur place le bois, l'allée des acacias, le lac. Geneviève, surtout, semblait enchantée, la peau caressée par le vent, fermant parfois les yeux, bercée à demi. Elle eût bien volontiers passé ses journées ainsi, et cette simple promenade banale était si différente de son existence bourgeoise faite d'ennui. C'était si joli, ce bois. Des branchettes roses, des fleurettes vertes, des frondaisons grêles, comme elle en voyait sur les écrans japonais, des lilas, un air doux. Elle buvait cette odeur de mai par ses lèvres entrouvertes. Ses narines battaient, respirant ses parfums de printemps. Et que c'était gai, vivant, fait pour elle, et que cela l'amusait, ces voitures qui filaient, ce luxe coudoyer, ces toilettes claires, ces jolis visages de femmes aperçus par les carreaux ouverts et lorgnés en passant, tandis que Raymonde, qui connaissait ces inconnues, les nommait toutes, sans se tromper sur un terme de blason s'il y avait un écusson au panneau, sans s'étonner si le nom de la jeune fille rencontrée avec un chiffre tout simplement sur la voiture était trop tapageur ou trop bizarre. « Tiens, Alice Hervier avec boule de gomme, » dit-elle en montrant une jeune femme rousse étendue dans son coupé. « Regarde, André, est-ce vrai que je lui ressemble à Alice Hervier ?»« Je ne l'ai pas vue, » répondit André doucement. Raymonde faisait sa petite moue, très moqueuse. « Je ne trouve pas, moi. Elle a des cheveux comme les miens, voilà tout. Mais c'est Rodion, cet imbécile de Rodion. Chaque fois qu'il vient voir papa, il me dit « C'est étonnant comme vous ressemblez à Alice. » Papa le fait taire. Ce qu'elle lui coûte d'argent, il paraît, cette Alice. Elle en a des diamants. La jeune fille s'arrêta devant le regard de Miss Maud, qui se tourna vers elle brusquement. Elle était trop écervelée, cette Raymonde, disant tout ce qui lui passait par la tête, et il en entrait et il en sortait, mon Dieu, des idées fugitives comme des papillons dans cette petite tête rousse. Geneviève n'écoutait pas. Elle semble être seule avec ses souvenirs tristes, à peine dissipés maintenant par cette impression heureuse d'une belle journée de Paris. Au retour, le flot des équipages montant déjà vers le bois l'amusa, et elle se sentait comme grisée par ce tapage auquel elle n'était plus habituée. Tout brillait dans cette lumière de printemps. C'était, dans les avenues, une sorte de fièvre de steeplechase. La place de la Concorde rayonnait, comme en fête. Rue Royale et sur les boulevards, les magasins semblaient ruisseler de luxe rajeuni. Les joailleries des bijoutiers, les cadres des marchands de tableaux, les étalages des étoffes, les fleurs entassées chez les fleuristes, touffes d'azalées, lilas par morceaux, et des éventails, et des bonbons, et des turqueries, et des bibelots, tout le soyeux et le somptueux de Paris, qui, par quelques paillettes rapides, lui accrochaient le regard, au galop du landau, tout, tout à la fois lui semblait flamber dans une lumière d'apothéose. Tout à l'heure, les groupes dorés sur la façade de l'opéra lui avaient paru comme les images mêmes, matérialisées, de la vie riche de Paris, et l'Apollon qui, là-haut, dans le plein jour et le soleil, dressait au-dessus de sa tête une lyre d'or, lui avait fait l'effet d'une sorte de dieu du luxe debout au-dessus de tous ses toits, de ces maisons de la grande ville et montrant à tous, très haut, inaccessible, comme dans un flamboiement de mat cocagne, un lingot, un immense lingot presque en fusion, le sourire muet du demi-dieu disant à ce flot de passants « Qu'il veut, qui vient le prendre ?»« Rien n'est joli comme ces boulevards, » pensait Geneviève, tandis que le landau montait parmi les voitures et les omnibus, entre deux lignes d'arbres verts ourlant les hautes maisons blanches. Et sur toutes ces maisons, de grandes lettres de cuivre semblaient encore et toujours de l'or en fusion. Un capiteux parfum de vie facile s'échappait des cafés, des restaurants, des boutiques, et tous les passants affairés, se bousculant, traversant en hâte la chaussée jaune, dorée aussi par le soleil de mai, semblaient à Geneviève courir, non pas à leurs affaires, mais à des plaisirs qui, d'avance, leur mettaient au livre le rire. Et tout allait finir. En quittant le boulevard, Madame Ribert éprouva brusquement l'impression d'un baisser de rideau sur une apothéose de féerie. Éclipse de lumière. L'ombre venait. C'était triste. Après le mouvement et la poussée de vie du faubourg Montmartre, le landau s'arrêta, entre le faubourg et la rue Lafayette, devant une grande maison neuve de ce segment de la rue de Châteaudun aux grandes constructions similaires. Un mât de pierre où, derrière d'énormes enseignes de cuivre posées sur les balcons de fer, les existences semblaient casernées dans une uniformité voulue. Geneviève descendit avec André, à qui Miss Maud donnait un shake-hand, et elle s'enfonça dans la voûte du logis tandis que Mademoiselle Guillemard, restée avec son institutrice, disait de son petit ton bref au cocher « À la maison, Julien !» Le landau filait déjà vers la rue Taitbout. Geneviève avait instinctivement, en passant, jeté un coup d'œil à la plaque de marbre vert, vissée dans la pierre et portant ces mots gravés « Victor Ribert, commission, exportation ». Elle songeait aux larges plaques de cuivre et au fronton à lettres d'or qui s'étalait sur la maison de banque et les établissements de crédit du cousin Guillemard. Elle avait encore, dans les yeux, dans l'esprit, l'impression de vie heureuse, la sensation de luxe éprouvée dans l'avenue des Acacias, et tout à l'heure, au retour, dans le fracas des voitures, l'étincelant tournoiement des roues. Ce Guillemard, une vraie richesse, la sécurité dans la fortune. En entrant dans la cour froide, sans soleil, et qui lui parut plus sombre que d'habitude, avec son sol bitumé et ses bureaux au vert dépoli, cette porte vitrée chiffrée au nom de son mari, V.R., la jeune femme sentit un poids de glace tomber sur ses épaules. Il lui semblait que cette cour à double carré, se découpant géométriquement entre cinq étages de meulière blanche, était humide, d'une humidité de cave, un préau de prison. Elle poussa la porte vitrée qui tinta brusquement du son net d'un timbre et se trouva dans une vaste pièce du rez-de-chaussée où, dans leur casier de chêne clair, des marchandises, empaquetées ou non, semblaient endormies. Debout à côté d'une immense table aux pieds tors, deux jeunes gens, des commis, ficelaient sans se presser des étoffes, et le paquet fait l'emportait vers un des casiers en jetant à un troisième employé, debout aussi et penché sur un pupitre tout près de là, l'indication des marchandises pliées. « 20 mètres tarlatane, commission sans chaise et Vidal, de Buenos Aires. »« 20 mètres tarlatane, » répétait le jeune homme, qui écrivait en tournant le dos. Il fit un mouvement de tête pourtant lorsque Madame Ribert entra et instinctivement regarda derrière Geneviève. Il y eut sur son visage de 25 ans, où toutes les impressions se lisaient à livre ouvert, une furtive expression de plaisir lorsqu'il aperçut, dans l'entrebâillement de la porte, André, droite sur le seuil, qui n'entrait pas. Elle voyait le jeune homme, cependant, car il lui fit un signe, gentiment, comme un ami. C'était Olivier Giraud, le commis dont Émile Guillemard eût voulu faire son bras droit. Il laissa là sa plume, vint à Geneviève, qu'il salua, et lui montrant un bureau entr'ouvert au fond du rez-de-chaussée, à côté d'une sorte de cage vitrée où l'on apercevait de grands livres énormes, pareils à des in-folios, avec des étiquettes dorées au dos, copies, lettres, caisses, Pérou, Espagne. « Monsieur est là, madame, » dit-il. « Merci, monsieur Olivier. » Elle passa devant le jeune homme, qui s'inclina, et se remit à son pupitre, après avoir regardé encore si André était toujours là, dans l'encadrement de cette porte. Non. Mademoiselle Ribert devait être montée dans l'appartement au premier étage. Le visage brun, très énergique, d'Olivier, n'eut plus son expression satisfaite. « Allons, monsieur Torel, continuez, » dit-il au commis qui, tout à l'heure, dictait et s'était interrompu pour lire un journal déplié sur le comptoir de chêne.